بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le vendredi 16 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 7 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons. Et toujours dans le deuxième thème de ce livre qui concerne des compagnons au sujet desquels des mérites ont été rapportés dans un même texte. Il a été rapporté au sujet de Abu Mus al-Ash'ari et de Bilal et de la mère des croyants, Umm Salama, dans un hadith qui est dans les deux authentiques. Selon Abu Musa, radiyallahu anhu, il a dit: j'étais avec le messager d'Allah à un endroit qui s'appelle Al-Ji'irrana, qui se trouve entre Mecca et Médine. Et il y avait avec lui Bilal ibn Abi Rabah. Un homme, un bédouin, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit: donne-moi ce que tu m'as promis. Nabi alayhi salam lui a dit: abshir. Il lui a annoncé la bonne nouvelle s'il est patient. C'est ça la signification de Abshir. Abshir, c'est une bonne nouvelle pour celui qui est patient et qui attend. Cet homme a dit au prophète alayhi salam: tu m'as beaucoup dit Abshir. Yani, donne-moi. Je ne veux pas ça. Je veux que tu me donnes. Le Nabi alayhi salam, il s'est tourné vers Abu Musa al-Ash'ari et vers Bilal ibn Abi Rabah. Il était un peu en colère. Il a dit: cet homme a refusé l'annonce de la bonne nouvelle. Vous l'acceptez-vous? Ils ont dit: on l'accepte au messager d'Allah. Et il a demandé à ce qu'on lui ramène un récipient avec de l'eau. Il a lavé ses mains et son visage dans ce récipient. Il a mis de l'eau dans la bouche et il l'a sorti dans le récipient. Et ensuite, il leur a dit à Abu Musa al-Ash'ari et à Bilal ibn Abi Rabah, il a dit: buvez-en et mettez-en aussi sur vos visages et sur vos coups, poitrines. Et attendez-vous à une bonne nouvelle. Et ils ont fait ce qu'il leur a dit, alayhi salatu wassalam. Umm Salama, la mère des croyants, qui était derrière le voile, quand elle a entendu cela, elle a dit à Bilal et à Abu Musa, elle leur a dit: laissez-moi un peu, laissez pour votre mère un peu. Et ils lui ont laissé un reste qu'ils lui ont donné. Ce hadith comporte un grand mérite pour ses trois compagnons. Abu Musa al-Ash'ari, yéménite d'origine, Ash'ariyin, c'est une tribu au Yémen. Et Bilal, un esclave que Abu Bakr a affranchi. Et Umm Salama, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Aussi, il a été rapporté au sujet de Usayd ibn Hudayr et de Abbad ibn Bishr, qu'Allah les agrée. Selon Anas, il a dit: deux hommes sont sortis de chez le prophète alayhi salatu wassalam dans une nuit obscure, dans une nuit il faisait très noir. Et à leur sortie, il y avait devant eux une lumière qui leur éclairait le chemin. Et ensuite, ils se sont séparés, ces deux hommes. Chacun est allé dans une direction et chacun était accompagné toujours de cette lumière. dans une autre riwaya, dans cette riwaya, on ne sait pas qui sont les deux hommes. Mais dans une autre riwaya, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari aussi, il est précisé que les deux hommes sont Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Radiyallahu anhuma. Usayd ibn Hudayr, ils disent, celui qui... Yani, il avait beaucoup d'histoires avec les anges, notamment quand il récitait Surat al-Kahf. Le Nabi lui a dit que les anges sont venus pour écouter ta récitation. Et si tu avais continué à réciter, le jour serait levé et les gens les auront vus. Aussi, il a été rapporté au sujet de Salman et Suhaib et Bilal. Salman, c'est Al-Farisi. Un persan. Salman, il est connu, il a une longue histoire, une histoire impressionnante, ce compagnon, radiyallahu anhu, comment il est arrivé à la vérité dans une longue démarche. Il était, à la base, il était un païen parmi les adorateurs du feu. Il adorait le feu. Il était même le fils d'un des grands parmi eux. Il était préparé pour prendre la relève après son père. Mais ce jeune homme, qui était très intelligent et qui était dans la quête de la vérité, il a su que c'est pas possible que ce soit ça la divinité, le feu. Le feu, t'as besoin de veiller sur lui pour qu'il s'éteint pas. Ça, c'est la divinité. Et dans une longue quête de la vérité, il est passé par le judaïsme. Il avait rencontré, Allah lui a permis à chaque fois de rencontrer des hommes sincères dans leur religion, qui l'ont bien conseillé. Il a été avec des chrétiens et chacun d'entre eux, avant son décès, il lui conseille d'aller vers un autre et il lui disait, c'est le dernier que je connais qui est sur le monothéisme encore. Les autres, ils sont sortis du monothéisme vers l'associationnisme. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de chrétiens sur le monothéisme. Et ensuite, il est allé vers les juifs. Et il n'est pas devenu juif, lakin il a été racheté par un juif de Médine. Lana, le dernier de ces chrétiens, il lui a dit, va en péninsule arabique, dans la péninsule arabique, là-bas il va sortir le dernier des prophètes. Attends-le. Et s'il sort pendant ton vivant, suis-le. Donc, il est venu vers le Médina, et sur la route, il a été pris par des brigands, et ils l'ont vendu comme un esclave. Il a été racheté par un juif, et ensuite, il est resté avec ce juif, jusqu'à l'apparition du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit quand le Nabi, alayhi salatu wassalam, a été envoyé, il est venu à Médine, un juif est venu parler à son maître, l'autre juif. Il l'a informé de l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, et que c'était effectivement lui. Et Salman, il avait pris de ses chouyours chrétiens des signes du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'Allah, azzawajal, nous dit dans le Coran, « Ya'rifounahu kama ya'rifouna abna'ahum ». Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ils avaient sa description dans leur livre. Et parmi ces signes, c'est que le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'accepte pas l'aumône. Il a ramené des dates, il les a données au prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait autour de lui ses compagnons. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, a pris l'assiette dans laquelle il y avait les dates, il les a données aux compagnons. Il n'a pas mangé. Et Salman observait. Et ensuite, il a ramené d'autres dates, il lui a donné, il lui a dit, ça c'est un cadeau pour toi. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, l'a accepté. Et il a mangé, il a donné à ses compagnons. Deux signes vérifiés. Il restait le troisième, qui est le sceau de la prophétie sur son dos. Un ensemble de grains de beauté sur le dos, entre les deux épaules, de la taille d'un œuf de pigeon. Et Nabi, un jour, Et il s'est incliné un petit peu. Et Salman, il regardait derrière son dos. Le Nabi alayhi salam a compris qu'il cherchait le sceau de la prophétie. Et il a découvert son dos et il lui a montré. Et là, il l'a embrassé, il a cru en lui. Et c'est devenu Salman al-Farisi, le grand compagnon qu'Allah l'agrée. Parmi les sages des compagnons, radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam, quand il est venu à Médine, il a fait le lien de fraternité entre lui et Abu Darda. Entre Salman et Abu Darda. Là, ils étaient très proches dans leur réflexion profonde et dans leur méditation. Comme a dit Umm Darda, l'épouse de Abu Darda, la majorité de l'adoration de Abu Darda, c'était la méditation. Ça ne veut pas dire qu'il négligeait les obligations. Mais en surrogatoire, il avait beaucoup d'adoration dans la méditation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une adoration oubliée. C'est une adoration boycotté et délaissé par les gens, illa man rahimallah. Donc, Salman et Suhaib. Suhaib, Ar-Rumi, Abu Yahya. Lui, c'est un arabe à la base, mais il a grandi, il a vécu avec les Romains. C'est pour ça qu'on l'appelle Suhaib Ar-Rumi. Et Bilal, Al-Habashi. Bilal, c'est un esclave de l'Abyssinie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Il est de l'Abyssinie, le Habasha. Donc, dans ce mérite-là, selon Aïd ibn Amr, il a dit, un jour, Abu Sufyan ibn Harb, un des maîtres de Quraysh, il était ce jour-là sur la mécréance encore. Il est passé devant les trois, Salman et Suhaib et Bilal. Et il y avait d'autres avec eux. Mais c'est la même catégorie de personnes. Des démunis, des esclaves, des gens qui n'ont pas une autorité à Mecca. Il est passé devant eux, Abu Sufyan. Ils ont dit, par Allah, l'ennemi d'Allah n'a pas encore eu ce qu'il mérite. Yani se faire tuer avec les épées des croyants. Abu Bakr les a entendus. Il leur a dit, vous dites ça du maître de Quraysh. Et il est parti voir le Nabi alayhi salam. Et il lui a raconté ce qui s'est passé. Le Nabi alayhi salam, écoutez ce qu'il lui a dit. Ça s'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Il lui a dit, peut-être que tu les as mis en colère, ô Abu Bakr. Car si tu les mets en colère, c'est que tu as mis ton Seigneur en colère. Tu as mis Allah en colère. Abu Bakr est reparti vers eux rapidement. Il leur a dit, mes frères, est-ce que vous êtes en colère contre moi? Ils ont dit non. Qu'Allah te pardonne notre frère. Radiallahu anhu. Tu mets en colère ces démunis. C'est que tu as mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça c'est dans leur mérite. Aussi il a été rapporté des mérites concernant Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abi Talib aussi, son frère, et Zayd ibn Haritha. Le Nabi alayhi salam a fait une umra dans le mois de Dhul Qa'da. Et ce hadith a une histoire. Dans cette histoire-là, c'est que la fille de Hamza Ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam, et son frère d'allaitement. C'est son oncle et c'est son frère aussi d'allaitement. La fille de Hamza est sortie. Et elle les a suivis vers Mecca. Ali radiallahu anhu l'a pris par la main. Et il l'a donné à son épouse Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète, alayhi salam, et il lui a dit, veille sur elle, c'est ta cousine. Et ensuite, ils se sont disputés à son sujet, Ali, et Zayd, et Ja'far. Chacun voulait la garder avec lui. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anha, il a dit, c'est ma cousine. sont venus devant le prophète. C'est lui qui a jugé. Le Ali radiallahu anhu a dit, c'est ma cousine. Donc, je suis plus à même de la garder. Ja'far, il a dit, c'est ma cousine et mon épouse, c'est sa tante maternelle. Il parle de Asma bint Umays, son épouse, qui était l'khala de la fille de Hamza, car Hamza était marié avec la sœur de Asma bint Umays, radiyallahu anha. Zayd, il a dit, c'est la sœur de mon frère. Et le Nabi alayhi salam l'a donné à Ja'far. Il a dit, Al-Khalatu bi manzilatil Al-Khala, elle a le statut de la mère, c'est-à-dire après la mère. Al-Khala, c'est comme une mère. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose de qui est conforme à la réalité. Tu trouves que ceux qui ont plus de compassion vis-à-vis des enfants, c'est les gens du côté de leur mère. D'une manière générale, il peut y avoir des exceptions. En tout cas, dans ce hadith, c'est ainsi, Al-Khalatu bi manzilatil Et ensuite, Nabi Isa Salam, pour, après l'avoir accordé à Ja'far, il a dit à Ali radiallahu anhu, il lui a dit, t'es de moi, et moi je suis de toi. Il a dit à Ja'far, tu m'as ressemblé dans ma création, c'est-à-dire dans mon physique, et dans mon comportement. Il a dit à Zayd, t'es notre frère et notre allié. T'es notre frère et notre allié. Ja'far radiallahu anhu, il a proposé au prophète alayhi sallam de l'épouser. Il a dit, pourquoi tu ne l'épouses pas? C'est la fille de ton frère. Il lui a dit, non, car elle est la fille de mon frère en allaitement. La fille de mon frère en allaitement. Et Annie, c'est pas autorisé. Et dans une autre riwaya, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Ja'far radiallahu anhu, il lui a dit, ton comportement ressemble au mien. Et ta création, Annie, ton physique, ressemble à la mienne. Il a dit à Ali radiallahu anhu, t'es mon gendre et le père de mes deux enfants, Hassan ou Hussein, et t'es de moi et je suis de toi. Il a dit à Zayd, t'es mon allié et t'es celui que j'aime le plus parmi les gens. Radiallahu anhu. Aussi, il a été rapporté au sujet de quatre parmi l'Ansar. Quatre parmi l'Ansar qui sont Mu'ad ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Le rapporteur, il a demandé à Anas, radiyallahu anhu. Il lui a dit, c'est qui Abu Zayd? Il lui a dit, un de mes oncles. Un de mes oncles. Le hadith est rapporté dans les deux authentiques. Par rapport à ces quatre hommes, ces quatre compagnons, parmi l'Ansar, parmi les Médinois, il a été rapporté que ce sont les quatre qui ont mémorisé le Coran dans son intégralité pendant le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Mu'ad ibn Jabal, qui viendra le jour du jugement dernier, devant les hommes de science, celui qui connaît le mieux le licite et l'illicite, Ubay ibn Ka'b, le plus grand savant de le Coran de cette communauté, Zayd ibn Thabit, le plus grand savant dans la science de l'héritage dans cette communauté, et Abu Zayd. Le rapporteur, il n'a pas su qui est Abu Zayd. À Anas radiallahu anhu, il a dit un de mes oncles, Anas ibn Malik, celui qui était au service du prophète, qui a été ramené par sa mère à l'âge de 10 ans. Il est resté 10 ans avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait, il ne m'a jamais dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Ou pour quelque chose qu'il m'a demandé de faire et que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il ne l'a jamais frappé. Yani le maître avec son serviteur, yani c'est difficile d'avoir un comportement comme ça. Alors que dire de son comportement avec les autres, alayhi salatu wassalam. Al-Nabi, alayhi salatu wassalam, a cité quatre compagnons. Il a dit, prenez le Coran et apprenez-le de ces quatre. Selon Masrouq, il dit qu'un jour, ils ont cité Abdullah ibn Mas'ud en présence de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compagnon, radiyallahu anhu, et son père, c'est un compagnon, Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr, parmi ceux les plus grands rapporteurs de cette communauté, après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un jour, en sa présence, ils ont cité Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, celui-là, c'est un homme que je n'ai cessé d'aimer depuis que j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, apprenez le Coran de quatre. Ibn Mas'ud, il l'a cité en premier. Salim, Mawla Abi Hudhayfa, en deuxième. Ubay ibn Ka'b et Mu'ad Ibn Jabal, les quatre, c'est des grands savants de le Coran. C'est parmi les grands savants des compagnons, les quatre. Le premier, c'est un Mekwa. Les deux derniers, ce sont des Médinois. J'ai un doute par rapport à Salim. Salim, Allah alam, c'est un Mekwa aussi. Deux Mekwa, deux Médinois. Radiallahu anhum. Mais c'est à vérifier par rapport à Salim. En tout cas, Nabi alayhi salam a demandé à ce qu'on prenne le Coran de ces quatre-là pour leur excellence et leur mémorisation et leur grande maîtrise. Qu'Allah les agrée tous. Ibn Mas'ud, comme vous savez, il a mémorisé 70 sourates du Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en ayant sa main entre les deux mains du prophète alayhi salatu wassalam. Il prenait sa main, il lui enseignait de bouche à oreille. 70 sourates. Le Coran comporte 114 sourates. 70, il l'a appris comme ça. Et il n'y a pas un verset dans le Coran au sujet duquel il n'a pas toute la science qui nous a été rapportée. Que ce soit où est-ce que ça a été révélé, au sujet de quoi ça a été révélé, les causes de la révélation, est-ce que c'est abrogé ou c'est un verset abrogeant. Et yani, toute la science de ce verset, il dit il n'y a pas un verset dans le Coran au sujet duquel je ne connais pas tout ça. Et si il y avait un verset, il y avait quelqu'un qui avait plus de science que moi sur terre, que j'aurais pu atteindre à deux de chameau, j'aurais fait le voyage vers lui. Allahu Akbar, une détermination, la détermination des compagnons radiallahu anhum, et leur amour de la science et leur sacrifice dans cette voie. Ça a été rapporté selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, quel homme Abu Bakr, en faisant ses éloges, quel homme Omar, Abu Ubaida, Usayd ibn Hudayr, Thabit ibn Qays ibn Shammas, Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh. Il a cité tous ses compagnons en disant à chaque fois, Ni'ma al-Rajul, yani quel homme. Yani, en faisant ses éloges. Au sujet de Abu Musa al-Ash'ari et de son oncle Abu Amir al-Ash'ari, il a été rapporté que quand Nabi a suite à la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, quand la bataille s'est terminée, le Nabi Aïssalam a placé le butin dans un endroit et avant de le partager, il est parti vers Taif. Il a fait un embargo sur les gens de Taif qui a duré longtemps. Et il a envoyé une expédition avec comme dirigeant Abu Amir al-Ash'ari. Abu Amir al-Ash'ari, c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, le compagnon qui est connu par sa très très belle voix. Mais les mérites des compagnons qu'on n'a pas vus précédemment d'une manière indépendante, on va y revenir après la fin de ce thème, inshallah ta'ala. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, le Nabi alayhi salam a envoyé une expédition à sa tête, Abu Amir, pour combattre des kuffars qui ont fui et qui ont pu échapper lors de la bataille de Hunayn. Et effectivement, ils les ont poursuivis et ils ont tué un grand kafir, un grand combattant qui s'appelle Duraid ibn Simma. Et Allah a permis de le tuer et de vaincre ceux qui étaient avec lui. Et Abu Amir, radiallahu anhu, pendant les combats, il a été touché dans son genou. Il s'est pris une flèche d'un homme parmi le kuffar de la tribu de Jusham. Il s'est pris une flèche dans le genou. Et il est tombé par terre. Il est resté à sa place. Abu Moussa, il l'a vu, il est venu le voir. Il lui a dit, qui t'a touché par cette flèche? Il lui a indiqué cet homme-là. Et Abu Moussa l'a poursuivi. L'homme a pris la fuite. Et Abu Moussa lui a dit, t'as pas honte? Tu fuis? T'es pas capable de t'arrêter et de combattre comme un homme? Et il s'est arrêté. Et Abu Moussa l'a combattu et il l'a tué. Et ensuite, il est revenu, a annoncé la bonne nouvelle à son oncle. Il lui a dit, j'ai tué l'ennemi d'Allah qui t'a touché par la flèche. Ensuite, Abu Amir lui a dit, retire la flèche maintenant. Et il l'a retirée et le sang a énormément coulé. Et quand Abu Amir radiallahu anhu, a vu cela, il a su qu'il allait mourir, faire une hémorragie et mourir. Et là, il a envoyé un message au prophète alayhi salatu wassalam par le biais de Abu Moussa. Il lui a dit, ô mon neveu, passe mon salam au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, et demande-lui de demander à Allah de me pardonner. Il lui a dit, demande-lui de demander à Allah de me pardonner, de me faire l'istighfar. Et Abu Amir a désigné Abu Moussa comme responsable sur l'expédition. Il est resté très peu de temps. Et après, il est décédé. Martyr, radiyallahu anhu. Et Abu Moussa, après avoir fait le nécessaire vis-à-vis de son oncle, il est reparti avec ses compagnons et il a trouvé le Nabi alayhi sallam chez lui. Il est parti directement chez le Nabi alayhi sallam. Il l'a trouvé chez lui sur son lit. Sur un lit dont la partie supérieure était faite avec des parties de palmiers. Et on voyait les traces de ces feuilles de palmiers sur le corps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Moussa lui a raconté ce qui s'est passé à son oncle Abu Amir. Et il lui a dit qu'il te demande de lui demander à Allah de lui pardonner. Nabi, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu cela, Il a demandé à ce qu'on lui ramène de l'eau. Il a fait ses ablutions. Il a levé ses mains tellement haut qu'on voyait ce qui est, qu'on voyait en dessous de les sous-aisselles du prophète alayhi salam. Il a levé ses mains tellement haut, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Oh Allah, pardonne à Ubayd Abi Amir. Pardonne à Ubayd Abi Amir. » Et il a dit ensuite, « Oh Allah, fais qu'il soit dans le jour du jugement dernier au-dessus de beaucoup de gens dans le paradis. » Abu Moussa, quand il a entendu ça, regardez l'intelligence de Sahaba et le rattachement au bien. Peut-être moi, je veux dire, j'ai transmis mon message, Jazakallahu ya Rasulallah, Jazakallahu khairan ya Rasulallah, et je repars. Non, c'est une occasion. Il a dit au messager d'Allah, invoque Allah en ma faveur aussi. Radiallahu anhum. Il a dit, oh Allah, pardonne à Abdillah ibn Qais son péché. Et fais-le entrer le jour du jugement dernier, fais-le accéder très dignement au paradis. Adkhilhu mudkhalan karima. Abu Burda, le fils de Abu Moussa, il a dit, la première invocation était pour Abu Amir, et la deuxième était pour son père Abu Moussa al-Ash'ari. Qu'Allah les agrée tous. Il a été rapporté que le Nabi Aïssa aussi aimait beaucoup Oussama ibn Zayd et le Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Le Nabi Aïssa il disait, Wallah, je les aime, aime-les comme je les aime. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le Nabi Aïssa aimait aussi Ali ibn Abi Talib. Le Nabi alayhi salam, bien évidemment, il aimait tous ses compagnons. Mais ça, c'est des compagnons au sujet desquels ont été rapportés des hadiths spécifiques. Donc, ça montre un mérite particulier pour ce compagnon. Le Nabi alayhi salam aimait Ali ibn Abi Talib et Abu Dharr al-Ghifari et al-Miqdad ibn al-Aswad. Et Salman al-Farisi. Ce hadith, l'auteur il précise, c'est rare où il y a un hadith qui est faible. Et celui-là, il y a une divergence au sujet de son authenticité et sa faiblesse. Et l'auteur a choisi qu'il est faible. Dans lequel il est dit que le prophète alayhi salam a dit, Allah m'a ordonné d'aimer quatre et m'a informé qu'il les aime. Il a cité Ali, Abu Dharr, El-Miqdad et Salman. El-Miqdad, peut-être qu'on n'a jamais parlé de lui, El-Miqdad c'est le premier qui a combattu dans le sentier d'Allah à dos de cheval. C'est pour ça qu'on dit que c'est le premier cavalier dans l'islam. C'est un homme qui était extrêmement courageux. Et cet homme, à lui seul, il égalait plus de 1000 cavaliers. Ça, c'est pas des chiffres comme ça. C'est des compagnons qui ont témoigné de cela. Cet homme, à lui seul, dans la bataille, il était comme 1000 cavaliers. Et Al-Miqdad, c'était un esclave qui appartenait à un parmi les kuffars de Quraysh. Et c'est parmi les premiers dans l'islam, mais il n'a pas montré son islam parce qu'il avait peur de son maître. Il est décédé en l'an 33 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Salman, on a parlé de lui. Abu Dharr al-Ghifari également, le grand compagnon, celui qui ne craint rien en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté au sujet de trois parmi les compagnons, Ali, Ammar et Salman, Nabi Sallam aurait dit, le paradis a hâte de recevoir trois, Ali, Ammar et Salman. Il est rapporté aussi, selon Ali, que le prophète Sallam aurait dit, chaque prophète avait sept compagnons qui étaient des compagnons ingénieux, nobles et très sincères dans la défense de leur prophète et protecteurs de leur prophète. Et Nabi Aslam a dit, et moi j'ai eu 14 comme cela. Et il a cité Ali et Al-Hassan et Al-Hussein et Ja'far et Hamza, Abu Bakr, Omar, Mus'ab ibn Umair, Bilal, Salman, Ammar, Al-Miqdad, Hudhayfa et Abdullah ibn Mas'ud. Tous parmi les premiers dans l'islam. Au sujet de Salim Mawla Abi Hudhayfa, on a déjà vu qu'il fait partie de ceux de qui on prend le Coran. Et Omar radiallahu anhu, il était très proche de Omar radiallahu anhu. Il était très proche de Omar radiallahu anhu, surtout quand il était devenu guide des croyants. Il rapprochait de lui les savants de le Coran. C'est pour ça, Salim, il était l'acolyte de Omar radiallahu anhu. Un jour, Amr ibn al-As, il rapporte qu'un jour, à Médine, les gens ont eu une frayeur. Ils ont pris peur par rapport à quelque chose qu'ils ont entendu. Et tous, ils sont partis, ils se sont dispersés de le masjid. Il restait dans le masjid que Salim, Mawla Abi Hudhayfa. Il avait préparé son épée, il est resté assis à sa place dans la mosquée. Quand Amr ibn al-As qui rapporte, quand il a vu Salim agir de cette manière, il a fait de même. Et quand Nabi al-Sallam les a vus tous les deux dans la mosquée et qu'ils n'étaient pas pris par la panique, il a dit, il s'est adressé aux gens, il a dit, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous n'avez pas fait comme ces deux hommes croyants? Ces deux hommes croyants. Salim et Amr ibn al-As. Au sujet des mérites d'Ibn Mas'ud et Ammar et Hudhayfa, Al-Qama a rapporté, Al-Qama un tabi'i. Il a dit, je suis venu de l'Koufa, en Irak, vers la Syrie. Et il a fait deux rak'at dans la mosquée. Et il a invoqué Allah dans ces deux rak'at, qu'Allah lui permette de rencontrer un homme vertueux. Et après avoir terminé ses deux rak'at, s'est assis à côté de lui, Abu Annam. Il a dit, c'est qui cet homme? Ils lui ont dit, c'est Abu Darda, le compagnon. Et ensuite, il s'est adressé à lui. Il lui a dit, voilà, j'ai fait salat et j'ai invoqué Allah pour qu'il me rapproche d'un homme vertueux. Il lui a dit, tu viens d'où? Il a dit, je viens de l'Koufa. Il lui a dit, n'y a-t-il pas avec vous dans le Koufa Ibn Abd, celui qui portait et qui ramenait les souliers du prophète والسلام, et qui se chargeait de son coussin et du récipient dans lequel il faisait ses ablutions? Il lui a posé la question. Il lui a dit, il n'y a pas cet homme avec vous Al-Kufa, c'est-à-dire pourquoi tu fais ce voyage? Pour rencontrer meilleur que cet homme que vous avez déjà dans votre ville, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Il lui a dit, il n'y a pas parmi vous aussi dans le Kufa l'homme qu'Allah a protégé de Shaytan. Et il visait Ammar ibn Yasir. Il lui a dit, il n'y a pas avec vous aussi dans le Kufa celui qui avait le secret du prophète, alayhi salatu wassalam, que personne ne connaissait d'autre. Il visait حذيفة بن اليمان. Et ça, c'est regarder la modestie des compagnons et comment les uns orientent les gens vers les autres. Comment ils se renvoient les gens comme ça, yani, ils leur indiquent leur mérite afin qu'ils vont vers eux, qu'ils vont vers eux et qu'ils prennent d'eux la science. Et c'est comme ça, al-sunnah. Al-salafi à l'est dut du bien de salafi à l'ouest. Et il le recommande. Et il montre ses mérites afin que les gens profitent de lui. Parce que ces gens-là, ils voulaient que la vérité se propage. Et non pas que les gens reviennent vers eux. C'était pas leur objectif. Que ce soit eux la référence. Vers eux, les gens reviennent. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la sincérité. Qu'Allah nous préserve de cela. Ils voulaient que la vérité se propage du moment que cela est propagé par le biais de Al-Sunnah. Dans un autre récit proche de celui-là, un autre tabi'i qui s'appelle Khuthaym ibn Abi Sabra, il a dit, je suis venu à Médine, cette fois c'est à Médine, pas en Syrie. Et j'ai demandé à Allah de me faciliter la rencontre d'un homme vertueux. Et j'ai pu rencontrer Abu Huraira. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, alors j'ai demandé à Allah de me faciliter un homme vertueux. Tu m'as été facilité. Il lui a dit, tu viens d'où? Regardez, il est toujours le même style pour repousser l'ujb de sa personne. Il lui dit, Allah m'a demandé de me faciliter un homme vertueux, ça veut dire toi tu es un homme vertueux. Il lui dit, tu viens d'où? Si moi je suis un homme vertueux, il y a meilleur que moi ailleurs. Radiallahu anhu wa ardam. Il lui a dit, tu viens d'où? Il lui a dit, je viens de l'Koufa et je suis venu demander le bien et l'apprendre. Il lui a dit, n'y a-t-il pas parmi vous Sa'd ibn Malik dont l'invocation est exaucée? Yani Sa'd ibn Abi Waqqas. Et n'y a-t-il pas parmi vous Ibn Mas'ud, celui qui s'occupait de la purification du prophète alayhi salam et de ses souliers? Il lui a dit, n'y a-t-il pas parmi vous Hudhayfa, celui qui avait le secret du messager d'Allah, et Ammar, celui qui a été protégé par Allah du shaitan, et Salman, celui qui a suivi les deux livres. Il a suivi le livre des chrétiens, l'évangile, et il a suivi le livre de l'muslimin, Al-Qur'an. Donc peut-être que nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Et cette partie, nous allons la finir demain, inshallah, pour commencer à parler des mérites individuels de quelques compagnons, radiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.